Je n'étais pas un personnage à occuper Madame de Menton, qui ne voulait que des gens brillants autour d'elle. Cependant, elle fit quelque attention à moi, non pour ma figure, dont assurément elle ne se souciait point du tout, mais pour l'esprit qu'on me supposait, et qui m'eût pu rendre utile à ses goûts. Elle en avait un assez vif pour la satire. Elle aimait à faire des chansons et des vers sur les gens qui lui déplaisaient. Si elle m'eût trouvé assez de talent pour lui aider à tourner ses vers et assez de complaisance pour les écrire, entre elle et moi, nous aurions mis bientôt Chambéry sans dessus-dessous. On serait remonté à la source de ses libelles. Madame de Menton se serait tirée d'affaire en me sacrifiant, et j'aurais été enfermé le reste de mes jours peut-être pour m'apprendre à faire le phébus avec les dames. Heureusement, rien de tout cela n'arriva. Madame de Menton me retint à dîner 2 ou 3 fois pour me faire causer et trouva que je n'étais qu'un sot. Je le sentais moi-même et j'en gémissais, enviant les talents de mon ami Venture, tandis que j'aurais dû remercier ma bêtise des périls dont elle me sauvait. Je demeurai, pour Madame de Menton, le maître à chanter de sa fille et rien de plus. Mais je vécus tranquille et toujours bien voulu dans Chambéry. Cela valait mieux que d'être un bel esprit pour elle et un serpent pour le reste du pays.